I saw the best minds of my generation destroyed by madness. C'est très dur, c'est pas un papier, c'est une pierre tombale. Si j'y vais, c'est vraiment, c'est mort, enfin, c'est plus qu'avec le papier, et vraiment, ça n'est pas dur. Épisode 10. L'or. Donc, on est dans mon salon, de mon petit appart à Draveil, et nous avons ma bibliothèque à gauche de moi, sur un meuble Ikea, acheté à 60 euros. Donc, on a plusieurs étages. Bon, il y a une partie qui est réservée aux DVD, parce que j'ai pas mal de DVD que je ne regarde plus, mais qui sont là en souvenir de mes années cinématographiques, cinéphiles. Et j'ai 5 rangs de livres, donc ce qui n'est pas beaucoup et qui me complexe un peu. Mais voilà, il y a les livres qui ont survécu aux années, qui ont survécu à tous mes voyages. Donc c'est les livres auxquels je tiens le plus qui sont sur cette bibliothèque, dans cette bibliothèque. Alors, je les range en ordre alphabétique. Donc on peut voir que j'ai pas mal de folios. Ça, c'est parce que j'avais pas d'argent. Et c'est surtout représentatif de mes années étudiantes à la Sorbonne, où on te demande d'acheter beaucoup de livres et t'as pas le budget pour t'acheter les collections blanches de Gallimard. Ou voilà. Donc j'ai deux rayons de folio avec beaucoup de classiques. Donc c'est, comme j'ai dit, les livres qui ont survécu à tous ces déménagements que j'ai faits au cours de ma vie. Donc c'est des choix pas évidents et comment dire, je suis un peu frustrée parce qu'il y a pas mal de livres que je n'ai plus et que j'ai aimés et auxquels je pense encore mais malheureusement que je n'ai pas dans ma bibliothèque. Donc là vraiment ceux qui y sont, pour moi c'est ceux qui m'ont marqué énormément. Donc j'ai beaucoup de Romain Gary par exemple, parce que ça a été mon amour, mon premier amour disons de jeunesse. Mais ce qui est marrant, c'est que dans les Romain Gary, il y en a plein que je ne relirai jamais, qui sont des livres que j'aime juste pour leur auteur, mais qui sont pas terribles en fait. Il y en a 5 incroyables de Romain Gary, après il y en a plein d'autres. Alors c'est lesquels les bons et... Eh ben ce qui est fou, c'est que les bons je les ai plus, tu vois. Je les ai prêtés ou je les ai donnés, et donc pour moi, bon c'est un peu cliché, mais c'est La vie devant soi d'Émile Ajar. Je préfère Émile Ajar à Romain Gary. Je sais que toi t'aimes pas trop, mais il y a Gros Câlin qui est incroyable. Je sais pas si tu l'as lu, mais donc Gros Câlin, c'est sur un homme solitaire à Paris qui se paye un voyage en Inde pour se changer les idées et qui tombe amoureux d'un serpent dans une animalerie et décide de le ramener chez lui pour avoir quelqu'un à qui faire un câlin le soir dans son lit. Et donc c'est intéressant parce qu'il retourne à Paris. Et ce serpent, évidemment, va chambouler complètement sa vie. Donc sa relation aux femmes, puisque les femmes, elles n'ont pas envie de dormir avec un serpent dans le lit. Sa relation à ses collègues, parce qu'il amène le serpent au travail pour ne pas le laisser tout seul. Il a aussi du mal à le nourrir. Le serpent devient anorexique parce que le propriétaire ne veut pas lui donner les souris vivantes qu'il doit manger. Il tombe amoureux aussi des souris. Donc bon, c'est tout un conte un peu fantasque sur cet homme qui a un serpent. Donc c'est très sympa à lire, et ce qui est intéressant avec Romain Gary, c'est qu'il y a toujours une double lecture, donc tu peux le lire comme ça. Donc ça, c'est aussi un conte que tu peux lire aux enfants, qui est marrant, un homme qui a un serpent. Mais il y a un deuxième niveau de lecture qui est assez évident, mais alors je ne sais pas s'il faut que je le dise, parce que c'est un peu un spoiler alert, mais que le serpent représente le pénis de l'homme, qui surpasse toutes les autres dimensions de sa vie, et qui est fondamental, et qui nique toutes les autres sphères de sa vie. Donc il est super, moi j'adore. Et c'est souvent celui que je conseille aux gens pour commencer Romain Gary, parce qu'il est accessible, comme tous les livres de Romain Gary, ça reste de la bonne littérature, c'est facile à lire, et c'est très drôle. Donc voilà, donc moi ça c'est mon... Disons c'est l'auteur qui m'a le plus marqué. Après c'est des périodes de vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis moins séduite, c'est pas ce que j'ai envie de lire, mais j'y serai toujours éternellement reconnaissante parce que c'est lui qui m'a ouvert vraiment à la littérature. Donc je l'adore, et donc il y a presque tous ses livres, sauf ceux que j'aime le plus. Mais voilà, il y a aussi pas mal de Kundera, parce que c'était la même période, j'adore Kundera. Je m'en souviens un peu moins bien, moi, de chaque intrigue de Kundera. Les livres se ressemblent un peu, mais je les aime beaucoup. Il y a des choses plus politiques, donc qui me touchent moins. Mais je sais pas, je pense que ce que j'aime chez Kundera aussi, c'est que c'est un tchèque, et donc ça change un peu. On voyage avec lui, et qu'il y a des noms, les personnages ont des noms super, comme Klima, qui sera le nom de mon fils plus tard. Et bon, ça parle d'amour, ça parle de plein de choses, mais pareil, je trouve que c'est très accessible. Donc c'est les bonnes lectures de lycée pour moi, quand tu commences à aimer la littérature, mais que t'as pas le temps ou le niveau pour te lancer dans des livres un peu plus compliqués. Première lecture. C'est Claire de femme de Romain Gary, publié en 1977. J'avais écrit la date à l'époque. Alors je me rappelle plus de quoi ça parle vraiment, mais bon, c'est une histoire de couple entre un Français et une Russe, je crois. Et ce passage est très sympa. Il y a des mauvaises rencontres, c'est tout. À moi aussi, ça m'est arrivé. À toi aussi. Comment veux-tu distinguer le faux du vrai quand on crève de solitude? On rencontre un type, on essaye de le rendre intéressant, on l'invente complètement, on l'habille de qualité des pieds à la tête, on ferme les yeux pour mieux le voir, il essaye de donner le change, vous aussi. S'il est beau et con, on le trouve intelligent. S'il vous trouve conne, il se sent intelligent. S'il remarque que vous avez les seins qui tombent, il vous trouve de la personnalité. Si vous commencez à sentir que c'est un plouc, vous vous dites qu'il faut l'aider. S'il est inculte, vous en savez assez pour deux. S'il veut faire ça tout le temps, vous vous dites qu'il vous aime. S'il n'est pas très porté là-dessus, vous vous dites que ce n'est pas ça qui compte. S'il est radin, c'est parce qu'il a eu une enfance pauvre. S'il est mufle, vous vous dites qu'il est nature. Et vous continuez ainsi à faire des pieds et des mains pour nier l'évidence alors que ça crève les yeux. Et c'est ce qu'on appelle les problèmes du couple, le problème du couple, quand il n'est plus possible de s'inventer l'un l'autre. Et alors, c'est le chagrin, la rancune, la haine, les débris que l'on essaye de faire tenir ensemble à cause des enfants ou tout simplement parce qu'on préfère encore être dans la merde que de se retrouver seul. Donc, dans mes poches, j'ai pas mal de ça. Après, il y a quelques livres que j'ai par souvenir de mes années d'études, donc qui ne sont pas des livres que j'aurais choisi de lire moi-même. Donc il y a Rabelais, il y a Stendhal, il y a Homère, enfin bon voilà, des classiques qui sont très beaux. Enfin, j'ai pas envie de les toucher, j'arrive à les voir de là, moi. Mais qui ont pas mal de notes prises à l'intérieur, parce que je suis pour les notes, moi, dans les livres. Je ne suis pas du tout contre. Enfin, pour cette idée. Du livre-objet à prendre avec précaution, etc. Je pense qu'un livre, il faut l'habiter. Et puis en plus, j'adore, moi, voir un livre qui a vécu et qui a des commentaires d'autres gens. Pourtant, j'adore aussi acheter des livres neufs, mais j'aime bien me dire, bon, bah, il a traversé les âges, je sais pas comment dire, mais c'est vrai que je pense que c'est ça ma bibliothèque pour moi. C'est une bibliothèque minimaliste où ne reste que les livres qui valent vraiment le coup d'être ici. Ceux qui, malgré les années, malgré tous ces voyages, ont survécu au naufrage, aux ventes Gilbert Joseph, à mes crises de voilà, minimaliste où je donne des livres à n'importe qui, où je les laisse dans les bus ou dans les trains. C'est les livres vraiment phares. Alors il y a aussi les Pléiades, que ça je n'ai pas vraiment lu parce que c'est gros et il y a beaucoup de choses. J'ai un peu de tout, j'ai du Verlaine, j'ai des tragédies grecques, j'ai l'anthologie de la poésie anglaise, ça c'est mon préféré parce que tu le lis petit à... C'est mon premier Pléiade et là tu le lis un peu comme la poésie, les recueils de poésie ça se lit pas en une fois donc. Ça, je suis contente de l'avoir, même si ça pèse lourd. Après, j'ai Kafka. Il y en a beaucoup que tu gardes par prétention, en fait. Et parce que voilà, c'est le livre-objet et que tu veux pas le vendre puisqu'il coûte 50 € et que les gens te l'ont acheté. Mais bon, c'est un peu contre mes principes, ça. Parce que je déteste le livre statique. Tu vois, c'est des livres que je lis pas, qui sont pas ouverts. Mais je sais qu'un jour, ils le seront, j'espère, quand il y aura un autre confinement. Donc voilà. Ensuite, donc après cet étage Pléiade et cet étage Folio, tu as un petit rayon dédié à la littérature étrangère en version originale. Donc, comme je ne parle que de langue de plus, j'ai un coin espagnol avec une anthologie des contes argentins, parce que les Argentins sont très forts en contes et en nouvelles. Tous les grands auteurs argentins ont écrit des nouvelles et des contes. Bon, il y a Cortázar, il y a Sabato aussi, mais il y en a plein d'autres dont je ne me souviens pas les noms, mais qui sont là et c'est super à lire. Après, j'ai aussi bon, des classiques Neruda, j'ai encore du Cortázar et j'ai Mario Benedetti, que j'adore. Ça, c'est un poète uruguayen que j'ai découvert donc en Argentine. Et lui, il est parfait, c'est un peu le Romain Gary. En espagnol, c'est-à-dire qu'il est très accessible et ça reste de la bonne littérature. Donc lui, je l'adore. Et aussi, ça fait plaisir quand on arrive à terminer son premier roman en espagnol. Donc ça, c'est un petit rayon, hein. Il n'y en a que 9 livres, mais j'espère en avoir plus. Et de l'autre côté, il y a le rayon anglais. Donc là, c'est un peu varié, mais c'est un rayon, disons, féministe, puisqu'il y a enfin des femmes dans ce rayon, dont la meilleure Virginia Woolf. Donc ça, j'ai presque tous ces livres, je crois, donc en anglais. Donc ça, c'était quand je vivais en Écosse et que j'avais, disons, mon meilleur anglais, puisque j'étudiais en anglais. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ça serait très dur de les relire, de me replonger dans son stream of consciousness en anglais. Mais ça, disons que pour moi, c'est un peu des trophées aussi, parce que c'est quelque chose que j'ai réussi à lire. Et je suis pas sûre de pouvoir le relire aujourd'hui. Peut-être un jour, quand je revivrai en Écosse. Mais bon, bah, c'est Woolf, hein. Encore une fois, elle est très connue, mais au final, peu de gens ont lu beaucoup de choses, à part Une chambre à soi ou Mrs. Dalloway. Mais je saurais pas vraiment te redire toutes les intrigues, mais plus que bah, c'est très agréable à lire. T'as l'impression qu'elle lit très bien dans les gens. Moi, je trouve qu'elle décrit très bien toutes les émotions. Bon, après, c'est des émotions de dépressive, hein. Mais bon, c'est fantastique. Le meilleur pour moi, enfin, c'est le premier que j'ai lu, et c'est souvent comme ça pour mes auteurs, c'est le premier que j'ai lu qui est mon préféré, c'est Orlando, parce que, je vais faire un spoiler alert, mais c'est l'histoire d'un homme. Et puis au milieu de la page, enfin au milieu du roman, ça devient une femme, et on comprend qu'en fait c'est un transsexuel, ou une. Et donc ça parle de ça en fait, et à cette époque c'était quand même assez choquant, et elle t'en parle comme si c'était naturel. C'est vraiment un. Donc au final, c'est l'histoire d'une personne qui évolue dans ce milieu, mais qui change toute sa manière de vivre, et c'est super intéressant parce qu'elle t'en parle comme si c'était juste un changement de vêtements du jour au lendemain, et c'est super intéressant, et ça montre l'évolution aussi, enfin la maturité de Wolf par rapport à son époque. Donc moi je me rappelle m'être dit, mais attends, mais il y a des fautes typographiques partout dans ce livre. Et non, en fait, c'était voulu. Donc voilà, il y a Woolf, après il y a du Shakespeare, des classiques. Après, tu as aussi Coetzee, qui est un auteur sud-africain que j'aime beaucoup et que j'ai découvert aussi quand j'ai vécu à Cape Town. Et lui, pareil, c'est de l'anglais assez accessible, facile à lire, donc j'aime bien. Mais je me souviens plus trop du détail de ses romans. Et puis il y a. C'est surtout des classiques, oui. Hemingway, Trainspotting aussi. Mais c'est des livres que j'ai apprécié lire en langue originale, parce que bon, j'en avais les moyens à l'époque, les capacités. Et puis parce que moi, je suis quand même très fervente de la version originale quand on peut. Parce que même si la traduction est un travail évident et qu'il y a de la poésie derrière, etc., que les traducteurs ont leur propre verbe, je trouve qu'on y perd souvent. Quand je vois les éditions bilingues, je suis quand même toujours très frustrée de la version française. Et donc quand je peux, j'essaie vraiment de lire en version originale et t'as l'impression d'être au plus près de l'auteur. Donc c'est des auteurs que je n'aimerais pas lire en français. Par exemple, Woolf, je ne me verrais pas le lire en français. Donc par exemple, si quelqu'un m'achète la Pléiade, enfin je sais pas si elle est en Pléiade, bah, je serais contente, mais je serais bon, retourne acheter la version originale. Donc voilà, mon rayon anglais, j'aimerais bien l'enrichir un peu comme le rayon espagnol. Mais avant d'enrichir ces donc, trois rayons dont je t'ai parlé, plus celui de la Pléiade, j'aimerais bien finir tous les livres que j'ai en attente, parce que j'en ai beaucoup aussi. Donc, dans ma bibliothèque, on voit pas la tranche en fait, parce que ça serait trop agressif pour moi, ça me rappellerait à quel point je suis en retard sur toutes mes lectures, et puis c'est lourd quand même, hein, ces livres, ces milliers de pages inconnues. Et donc dedans, j'ai un peu un mix de plein de trucs. J'ai des romans en version originale que j'ai reçus de salons du livre, parce que quand je vais à des salons du livre, parfois il y a des éditeurs qui te donnent gratuitement des livres, etc. Il y a des classiques comme Dante, que je n'ai toujours pas lu. Il y a Dostoïevski aussi, Crime et Châtiment, que je peine à lire. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah, aussi, j'ai des livres que, bon, ça, je veux vraiment lire. Il y a un auteur russe que j'adore, qui s'appelle Yuri Buida, je ne sais pas comment on prononce. Un auteur contemporain russe, qui est pas mal aussi. Et je pense qu'en fait, j'aime le même genre d'auteur, parce que c'est des auteurs assez accessibles. C'est pas une... C'est pas des écritures trop, comment dire, garnies ou fournies ou un peu... Enfin, ça se lit très facilement, moi, je pense que c'est ça que j'aime bien. Sans fioriture. Sans ? Fioriture. Fioriture, ouais, peut-être. Mais bon, il faudra qu'on revienne dessus parce qu'il y a des auteurs avec fioriture, donc, que j'adore. Mais je pense que oui, j'ai envie de me détendre, je pense que je suis dans une phase de ma vie où, même si j'adore encore lire... j'ai envie que ça soit un plaisir, mes lectures à moi. Donc Yuri Buda, c'est pas mal parce que c'est sérieux, il t'apprend plein de choses sur Kaliningrad, d'où il vient, mais ça se lit assez bien, c'est très drôle. Je pense que c'est aussi quelque chose dont j'ai beaucoup besoin, moi, qui ai de l'humour dans les romans. C'est pour ça que j'aime pas trop les choses très politiques. Et voilà, après j'ai plein d'autres trucs sympas, j'ai pas mal de livres qu'on m'a donnés, donc de mes maisons d'édition, des conseils de collègues à moi qui adorent des auteurs. Donc j'ai Rouge Brésil, je sais plus qui c'est, de Ruffin, voilà. Donc ça, on m'a dit que c'était super, enfin il y a plein de choses différentes. Donc ça, c'est des livres auxquels je n'ai pas encore touché, je le ferai quand j'aurai le temps. Mais avant cette catégorie de livres achetés, acquis, reçus par des gens, j'ai aussi tout un petit rayon de livres empruntés. Et ça, c'est pas mal aussi. C'est les livres, parce que j'en ai marre d'acheter des livres et de les revendre, etc. C'est une grosse perte d'argent au final. J'emprunte des livres à des amis qui ont beaucoup d'ouvrages. Et donc, selon mes envies, bon, là en ce moment, comme je suis très. Très inclinée vers l'Argentine, je lis beaucoup d'Argentins, mais ça change assez souvent, donc j'ai aussi ces livres-là. Au final, je dirais que ma bibliothèque est composée presque autant de livres lus que de livres en attente d'être lus, quand même, on voit. Si, tous ceux qui sont en vertical, là, ils sont lus, mais tous ceux en horizontal ne sont pas lus, il y a quand même des piles énormes. Et puis bon, il y a les Pléiades que je fais semblant d'avoir lues sans les avoir lues. Voilà. Et j'ai oublié de mentionner aussi un cinquième rayon de livres en attente. Donc il y a le Marel de Julio Cortázar en version originale, donc, que je mets 5 mois à lire, mais qui se déguste en fait. Ça, j'ai pas envie de le finir aussi, c'est super, mais c'est difficile à lire en espagnol. Et à côté de ce livre donc, qui me fait face souvent pour me rappeler qu'il est là, j'ai tous mes livres de maisons d'édition. Parce que donc, je suis lectrice pour des différentes maisons d'édition. Et donc là, c'est beaucoup de livres en attente. Et ça, c'est des livres travail pour moi, qui sont différents des livres loisirs. Donc c'est des livres qui sont... Bon, il y a un peu de tout. C'est des bons livres, c'est de la littérature exigeante, mais je l'associe plus à du travail, à devoir prendre des notes, à devoir connaître très en détail tout ce qui s'y passe, donc c'est pas du tout la même lecture. C'est un rayon que j'aime moins regarder, par exemple, que les autres, donc, mais qui est intéressant. Après, voilà, on pourrait se demander, si on regardait mon rayon comme ça en me connaissant, pourquoi j'ai acheté le genre de livre que j'ai dans ce rayon, parce que j'ai des choses sur comment faire du miel, c'est des choses très bio, des livres aussi sur très historiques, sur des prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, c'est pas mon genre de lecture, mais c'est ça qui est intéressant dans un travail de lectrice, c'est qu'on est forcé de lire des choses auxquelles on s'intéresserait peut-être jamais sinon. Mais donc ça, c'est aussi, bon, c'est un étage que j'aime bien parce que ça montre mon ouverture d'esprit, qui est un peu forcée, mais voilà. Deuxième lecture. Donc, l'adolescent Dostoïevski. Il est des caractères que vous n'arrivez pas à percer. Mais un jour, cet homme éclate d'un rire bien franc, et voilà du coup tout son caractère étalé devant vous. Il n'y a que les gens qui jouissent du développement le plus élevé et le plus heureux qui peuvent avoir une gaieté communicative, c'est-à-dire irrésistible et bonne. Je ne veux pas parler du développement intellectuel, mais du caractère, de l'ensemble de l'homme. Ainsi, si vous voulez étudier un homme et connaître son âme, ne faites pas attention à la façon dont il se tait, ou dont il parle, ou dont il pleure, ou même dont il est ému par les plus nobles idées. Regardez-le plutôt quand il rit. S'il rit bien, c'est qu'il est bon. Et remarquez bien toutes les nuances. Il faut par exemple que son rire ne vous paraisse bête en aucun cas, si gai et si naïf qu'il soit. Dès que vous noterez le moindre trait de sottise dans son rire, c'est sûrement que cet homme est d'esprit borné, quand même il fourmillerait d'idées. Si son rire n'est pas bête, mais si l'homme, en riant, vous a paru tout à coup ridicule, ne fût-ce qu'un tantinet, sachez alors que cet homme ne possède pas le véritable respect de soi-même, ou du moins ne le possède pas parfaitement. Enfin, si ce rire, quoique communicatif, vous paraît cependant vulgaire, sachez que cet homme a une nature vulgaire, que tout ce que vous aviez remarqué chez lui de noble et d'élevé était ou bien voulu et factice, ou bien emprunté inconsciemment, et que fatalement il tournera mal plus tard, s'occupera de choses profitables et rejettera sans pitié ses idées généreuses comme des erreurs et des engouements de jeunesse. Je ne comprends qu'une chose, c'est que le rire est la plus sûre épreuve de l'âme. Je peux aussi dire que ma bibliothèque est quand même assez bien rangée, encore une fois, ça vient des années de voyage où mes livres étaient un peu partout, où j'associe les livres pas seulement à ce plaisir de découverte et d'avoir une belle bibliothèque avec plein de souvenirs, je l'associe aussi au poids des cartons qui se cassent ou qu'il faut que je stocke chez mon père et que ça prend trop de place, etc. Et toutes ces heures qui ont brisé mon cœur à devoir me séparer d'ouvrages, que ça soit en France avant de partir ou à l'étranger, quand j'avais pas assez, et ça faisait plus de 23 kilos dans ma valise et que je ne pouvais pas prendre les livres. Et donc au final, cette bibliothèque rangée, c'est le résultat d'heures de sacrifice, mais qui m'apaise moi, qui me dit, bon, bah là, ça te suffit au final, parce que si je relisais tous les livres, j'en aurais pour toute une vie déjà, je pense. Parce qu'un livre, ça se lit plusieurs fois et ça s'oublie. Et ça, c'est aussi très important de voir que les livres changent avec toi, en même temps que toi. C'est un cliché, mais c'est vrai, moi je trouve. Donc voilà. Et puis j'ai oublié de dire que j'avais les classiques, c'est-à-dire le Becherel, mon petit dictionnaire. J'ai aussi un dictionnaire en russe. La prochaine langue que je vais apprendre. J'ai aussi oublié de mentionner que j'aime beaucoup les Russes. Donc là, je me concentre sur les Argentins parce que c'est un voyage que j'ai fait récemment et donc c'est tout frais. Mais j'aime beaucoup la littérature russe. Donc, bon, c'est assez gros comme challenge de se lancer là-dedans. Il y en a beaucoup. Donc, je commence par des petites choses. Donc, Youri Boudaï qui est assez facile. Après, j'ai lu quelques Dostoïevski qui m'ont beaucoup plu. L'idiot. Et l'adolescent. Un jour, je lirai Crime et Châtiment. Et puis, il y a Lermontov que j'aime beaucoup aussi. D'ailleurs, c'est marrant parce que je l'ai lu en anglais la première fois. C'était un de mes cours à Glasgow. Donc, j'ai lu du russe en anglais. Donc, voilà, moi, j'aimerais bien un peu plus enrichir ma bibliothèque de russe et d'argentin qui sera en lien avec moi. Mais je te dis, à part ces livres en attente, je l'aime bien. J'aime bien qu'elle ne soit pas trop grosse parce que je pense aussi qu'il faut savoir. Enfin, c'est très admirable les gens avec des grosses bibliothèques et on peut aller prendre chez eux ce qu'on veut. Mais dans mon caractère de baroudeuse, c'est trop. Donc là, au moins, j'ai des livres importants qui, à travers les âges, restent, demeurent et me seront toujours indispensables. Ben, il y en a plein d'autres, hein. Il y a aussi des poètes que j'aime beaucoup. Mais j'aime bien aussi cette idée de ne pas garder les livres un peu en mode masturbation intellectuelle où tu les reliras jamais et que c'est juste des trophées parce que ouais, j'aime bien le côté tu partages, tu les oublies chez quelqu'un ou tu les donnes à un inconnu. Et c'est pas en mode bonne charité, c'est aussi parce que, voilà, pour moi, c'est des livres essentiels. Et je voudrais citer un auteur, bon, il y en a plein qui l'appelleraient pas auteur, mais Paulo Coelho, le Guillaume Musso du Brésil, et qui est un peu mieux, je trouve, mais justement, j'avais vu un reportage sur lui où il montrait sa bibliothèque énorme. Il avait toute une pièce avec je sais pas combien de bibliothèques, et il s'était dit, mais c'est quoi cette pièce-là de livres que je ne relirai jamais, poussiéreux, qui vont finir sans être jamais ouverts? Et il s'est dit, en challenge, bon, bah, je garde les 200 qui m'ont marqué, les 200 qui me paraissent indispensables. Et il a réussi à se débarrasser de ça, il a donné tout le reste de sa collection à des œuvres de charité. Et bon, il disait, bon, c'était peut-être un peu publicitaire, mais il disait que ça l'a soulagé et l'a apaisé. Et moi, je pense que c'est aussi ça ma bibliothèque. J'aime bien que ça soit un peu minimaliste avec les œuvres importantes. Et donc aujourd'hui, quand je lis un livre, à moins qu'il m'ait énormément marqué, au point de devoir écrire dessus, de corner les pages, de lui faire des bisous au rouge à lèvres, je le donne, je le revends quand je peux, ou je le redonne à ma bibliothèque personnelle, celle de Maxime. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Moi, je sais pas. J'ai très peu de beaux livres, alors que ça, j'aime bien, parce que pour avoir travaillé un an au Louvre, on voit de très beaux livres, des éditions Diane de Cellier, Citadelle, etc., des beaux livres d'art. Donc ça, peut-être un jour, si je me marie à quelqu'un de riche et que j'ai une grosse bibliothèque, j'en mettrai plein. Mais là, pour le moment, j'ai qu'un cadeau de mon papa qui s'appelle Éloge de la folie d'Erasme. C'est sympa. Et bon, je l'ai feuilleté, mais bon, c'est assez compliqué comme texte. Après, le livre-objet est très beau parce que c'est des reproductions de tableaux de peintres hollandais très sympas. Mais bon, c'est pas ce qui m'attire le plus. C'est pas ce qui me fait chavirer, moi, dans les livres. On peut voir aussi que j'ai une BD récente qui s'appelle In Waves sur un mec qui a perdu sa copine à l'âge de, je sais pas, 24 ans, quelque chose comme ça. Et il raconte, bon, c'est un livre hommage et c'est très beau. Ça, pareil, c'est quelque chose sur laquelle j'aimerais un peu plus m'ouvrir, les livres graphiques, les BD, parce que c'est toujours un moment agréable à passer. Mais voilà, je pense que j'ai cette idée, c'est peut-être un problème, hein, peut-être, de pas vouloir accumuler les livres. Donc j'ai du mal à les acheter, à part les petites poches qui me prendront pas de place. Donc ce que j'aimerais faire, moi, c'est m'abonner à une bibliothèque, surtout. Parce que voilà, la bibliothèque sort de son espace. Et je pense que la bibliothèque, c'est pas que matériel. Elle est à l'intérieur de moi. Donc c'est sûr que quand les gens arrivent, bon, ils pensent que je suis une lectrice un peu. Une bonne lectrice, mais bon, pas un truc de incroyable, quoi. Mais c'est vrai que moi, quand on me parle de mes lectures, il y a aussi, il faut penser à tous les PDF que je lis sur mon ordi et tous les mauvais manuscrits qu'on m'envoie et que je dois noter. Donc voilà, la bibliothèque, c'est sûr qu'aujourd'hui, je pense qu'elle s'étend en dehors des meubles IKEA. Troisième lecture. Donc ça, c'est la philosophie dans le boudoir de Sade, le plus connu, pas forcément le meilleur, je trouve, mais qui a des passages incroyables où il défend l'avortement et l'homosexualité. Donc c'est le chevalier qui parle. C'est Madame de Saint-Ange qui le critique de coucher avec des hommes, alors qu'il est hétéro. Je ne te cacherai point mes extravagances avec lui. Tu as trop d'esprit pour les blâmer. Dans le fait, j'aime les femmes, moi, et je ne me livre à ces goûts bizarres que quand un homme aimable m'empresse. Il n'y a rien que je ne fasse alors. Je suis loin de cette morgue ridicule qui fait croire à nos jeunes freluquets qu'il faut répondre par des coups de canne à de semblables propositions. L'homme est-il maître de ses goûts? Il faut plaindre ceux qui en ont de singuliers, mais ne les insulter jamais. Leur tort est celui de la nature. Ils n'étaient pas plus les maîtres d'arriver au monde avec des goûts différents que nous le sommes de naître ou bancal ou bien fait. Un homme vous dit-il d'ailleurs une chose désagréable en vous témoignant le désir qu'il a de jouir de vous? Non, sans doute. C'est un compliment qu'il vous fait. Pourquoi donc y répondre par des injures ou des insultes? Il n'y a que les sots qui puissent penser ainsi. Jamais un homme raisonnable ne parlera de cette manière différemment que je ne fais. Mais c'est que le monde est peuplé de plats imbéciles qui croient que c'est leur manquer, que de leur avouer qu'on les trouve propres à des plaisirs, et qui, gâtés par les femmes, toujours jalouses de ce qui a l'air d'attenter à leurs droits, s'imaginent être les Don Quichotte de ces droits ordinaires, en brutalisant ceux qui n'en reconnaissent pas toute l'étendue. Que tout à l'heure, tu as dit que tu essayais vraiment de garder le meilleur, que c'était tu passais au tamis du temps, les bibliothèques, mais tu disais aussi que c'était tes voyages qui t'y poussaient. Oui. Et j'ai du mal à voir quelle est l'origine. Est-ce que c'est parce que tu as dû voyager que tu as commencé à en enlever au fur et à mesure, ou est-ce que c'était deux mouvements concomitants, tes voyages et le fait d'enlever ta bibliothèque, de désherber du coup, ma question c'est, est-ce que tu me parlais de tes voyages? Où est-ce que tu as été? Combien de fois tu as déménagé? Alors, bah après, si on compte les voyages, changer d'appartement dans la même ville, j'ai beaucoup déménagé, beaucoup voyagé, mais je pense que oui, j'ai déménagé au moins 11 ou 12 fois. Je pense qu'au départ, tu le fais parce que tu dois le faire, et puis après, ça devient une drogue, hein. On finit par aimer ce qui nous fait souffrir. Donc, je pense qu'avant ma majorité, j'avais une bibliothèque assez fournie. Je pensais pas déménager, mais les choses ont fait que j'ai déménagé assez vite dans ma vie. Et puis c'est à partir de mon année Erasmus, que j'ai fait parce que j'avais envie de la faire, que j'ai dû bouger mes livres, les mettre dans des cartons, les stocker chez des gens qui n'avaient pas forcément la place de les accepter. Donc c'était mon premier voyage en Écosse qui a été compliqué parce que au final j'avais quelques livres avant mais j'en ai eu beaucoup pendant puisque mon année Erasmus m'a obligée à acheter pas mal de livres et puis je découvrais enfin la littérature en VO et donc j'achetais surtout qu'en Écosse et partout dans le Royaume-Uni ils ont beaucoup de second-hand shops où tu peux acheter des livres vraiment pas chers. Tous les Wolf, c'est des livres d'occasion, alors qu'en France, j'achète très peu d'occasion. Et donc voilà, j'en avais beaucoup. Et quand je suis revenue d'Écosse, j'ai dû de voyager en bus parce que c'était trop cher de prendre un avion de toute manière avec autant de livres. Et même en bus, j'avais le droit qu'à deux valises. Donc en comptant mes vêtements, mon haggis, la spécialité écossaise et les livres, il y avait trop de choses. Donc ça a été, disons, peut-être un des premiers sacrifices de livres que j'ai dû faire. Ensuite, je me suis réinstallée à Paris, mais ça m'a très vite frustrée d'être à Paris. Donc je suis partie vivre dans le sud. Donc un deuxième sacrifice de livres en quittant Paris. Et dans le sud, de nouvelles acquisitions parce que j'étais en master édition, donc j'étais obligée de racheter plein de livres. Et puis là, c'était la folie des années édition où t'achètes un livre juste parce que c'est de cet éditeur ou parce que tous tes potes l'ont ou parce que tu le reçois d'un salon et que voilà. Donc j'ai accumulé aussi énormément de livres et j'ai dû une nouvelle fois m'en séparer quand j'ai dû remonter à Paris pour mon stage en édition. Donc, un nouveau sacrifice, nouveau lieu à Paris, où là j'ai accumulé encore plus de livres puisque j'ai travaillé chez les éditions Zulma, où j'ai eu plein de livres gratuitement. Voilà, je m'en suis débarrassée pas mal aussi ensuite, mais j'en ai acquis pas mal, j'en ai lu beaucoup. Donc, bon, la frénésie des achats compulsifs s'est intensifiée pendant cette période. Quand on travaille avec des éditeurs, c'est toujours comme ça. Donc là, pareil, j'en avais pas mal et j'ai toujours vécu aussi, il faut le dire, dans des apparts sans bibliothèque. Hein. Là, c'est une des premières que j'ai vraiment. Je l'ai achetée il y a 6 mois, cette bibliothèque, ma petite Billy. Et donc avant, c'était, bon, ça traînait sur des coffee table books, là, comme dans Seinfeld. Et bon, j'accumulais, mais j'ai toujours eu ce stress de, ah, oh, il y a trop de livres et je sais que je vais redéménager. Donc ça m'arrivait souvent d'en passer à des gens qui ne lisaient pas, parce que les gens qui lisent, ils ont déjà leurs livres et ils veulent pas les livres que je leur passe. Donc voilà, j'ai eu aussi pas mal ça, de livres qui traînaient un peu partout. Après, j'ai jamais eu non plus énormément de livres comme chez certains gros lecteurs qui en ont partout chez eux, ça déborde de partout. Moi, j'ai quand même toujours été assez organisée, ça me stresse d'avoir des livres partout. J'en avais beaucoup. Et après mon stage chez Zulma, j'ai décidé de repartir en voyage en Afrique du Sud, donc un nouveau sacrifice. Mais à cette période, j'avais déjà commencé à faire la méthode Paolo Coelho, donc à garder vraiment les essentiels. Donc en fait, dès mon retour d'Erasmus, j'ai vraiment commencé à me dire, bon, il faut que tu arrêtes d'accumuler les livres parce que tu sais que tu vas redéménager. Donc les deux se sont un peu liés, c'est-à-dire qu'une fois que je savais que j'allais souvent bouger, et ben je me suis dit, bon, bah, fais attention au livre que tu achètes. Là, tu sais qu'il est trop gros, tu sais qu'il est trop lourd, donc où est-ce que tu vas le mettre quand tu partiras, je sais pas où. Et même, je me rappelle que ça m'énervait que les gens m'achètent des livres. Alors, ça dépend lesquels. Et j'étais contente, mais je me dis, bon, lui, là, il est un peu trop gros. Et d'ailleurs, ça, c'est un problème aussi dans cette bibliothèque, parce que parfois, on m'achète des livres qui ne rentrent pas dans mes rayons poche. Mais j'ai construit ma bibliothèque en fonction de ces tailles poche. Donc, il y a des livres de Romain Gary, par exemple. Il y en a un, Le vin des morts, qui est trop gros pour aller avec les autres Romain Gary. Donc, c'est un peu stressant, ça m'énerve un peu. Mais bon, on fait avec, hein, c'est pas la fin du monde. Donc voilà, mais je pense que comme tu l'as dit, les deux sont liés. Ce côté à ne pas vouloir accumuler les livres, ne garder que l'essentiel, ça a été enclenché par ce premier constat que je ne pouvais pas avec le mode de vie que j'ai adopté jusqu'à présent. Donc après l'Afrique du Sud, je suis revenue encore à Paris. J'ai réacheté des livres, mais moins, puisque j'étais toujours consciente que je voulais repartir. Je suis repartie en Argentine. Et en Argentine, j'en ai pas trop acheté, parce que j'essayais de lire en espagnol, et donc ça me prenait 3 mois. Donc j'en ai ramené 9, quoi. Et me voilà de retour en France. Avec ma première bibliothèque, donc qui pour moi signifie beaucoup, parce que ça veut peut-être dire, et ça me fait énormément peur, mais ça veut peut-être dire se poser, parce que là, devoir réemballer tous ces livres, même si c'est pas beaucoup, c'est quand même lourd, hein. Tu vois, ça passe pas. Si je repars en Argentine, là, je paye je sais pas combien de suppléments. Donc voilà, je pense que cette bibliothèque représente peut-être une nouvelle étape de ma vie de femme et aussi de lectrice, où je vais peut-être laisser plus de place à des livres un peu moindres. Mais je pense pas quand même, parce que dès qu'un livre m'a pas trop plu, j'ai envie de m'en débarrasser. Mais bon, là récemment, enfin, ça fait longtemps que je me suis pas débarrassée d'un livre, parce que j'ai lu de très bons livres dernièrement, donc les Yuri Buda dont je parlais. Il y a aussi du Mishima que j'ai gardé. Et puis j'avais beaucoup de classiques, donc encore une fois les Russes, j'ai du Bulgakov que j'ai adoré. Et puis il y a tous ces livres empruntés, donc ça c'est la méthode super pour moi, c'est vraiment ce que je préfère, puisque dès que je les ai finis, je les redonne. Et aussi, j'aimerais bien, une fois avoir lu tous les livres que je dois lire, relire les livres, parce que je pense que ça c'est très important aussi de savoir ne pas toujours chercher du nouveau, mais relire ce que tu as lu et voir comment ça change aussi avec le temps. C'est comme, par exemple, j'adore Garcia Marquez, mais je l'ai lu avant d'aller en Amérique latine. Donc là, j'aimerais le relire avec cette idée. C'est quoi le réalisme magique, c'est ça? Avec justement cette expérience du terrain de la Colombie et de relire. Voilà. Donc c'est vrai que au final, moi, elle me plaît parce qu'il y a plein de choses encore que j'ai à lire dedans. Mais c'est vrai que même si je suis relativement contente et apaisée quand je vois le peu de livres que j'ai par rapport à mes lectures, je suis frustrée en cherchant parfois de me dire, ah bah celui-là, je l'ai plus, je l'ai eu, je l'ai noté, j'ai mis des cœurs à côté de certaines phrases et je peux même plus le montrer à mes amis, ou quand je cherche un extrait d'un livre, je peux pas. Donc bon, il n'y a pas de bonheur parfait, hein, on peut pas tout avoir, Tu penses à des livres en particulier Bah alors là, j'ai oublié. Bah, Kundera, c'est sûr qu'il y en a un. Ah bah non, je l'ai racheté parce que voilà, lui, je l'avais. Risible Amour, un livre que j'ai adoré, que j'avais prêté à quelqu'un et que je vois plus. Donc j'étais un peu énervée, je peux pas le récupérer. Donc je l'ai racheté. Mais je pensais à Romain Gary aussi parce qu'il y en a plein. Il y a Pseudo de Émile Ajar, il y a Gros Câlin que je n'ai plus. Il y a. Attends, laisse-moi réfléchir. Je pense qu'il y a pas mal de poésie aussi. Ah bah oui, et puis il y a aussi Alejandra Pizarnik là, parce que j'avais le cahier jaune que je ne retrouve plus. Et ça, je suis persuadée de ne pas l'avoir vendu ni donné. Donc c'est ça aussi le problème des déménagements, c'est qu'on perd aussi en cours de route. Mais si ça a pu ouvrir à quelqu'un la porte à quelqu'un de l'Argentine et des femmes incroyables qu'on y trouve. Bon, c'est tant mieux en fait, je fais des BA tous les jours, donc ça vaut le coup, je pense. Mais attends, Il y a aussi bah, Stendhal, il y a... Ah non, je les ai tous. Ah oui, il y a Sade aussi, par contre. Parce que Sade, donc c'est l'auteur que j'ai étudié pendant mon master. Donc lui, très différent, je trouve pas du tout aussi accessible que Romain Gary ou Kundera. Parce que ça, qu'en le relisant, c'est des phrases très longues à rallonge. Très philosophique aussi, donc bon, c'est un peu dur de s'y replonger comme ça, c'est pas une lecture de hamac, quoi. Mais moi, j'adore Sade parce que je pense pouvoir en parler un peu plus que. Enfin, j'ai quand même passé 2 années à le lire et très dans les détails parce que mes deux mémoires, c'était sur des choses très précises où je devais relever les champs lexicaux de la violence, des choses comme ça, donc c'était très pointu. Et je me sens assez proche de lui et je trouve qu'il faut le sortir de sa case gros pervers, obèse, meurtrier de prostituée. Bon, ok, mais bon, il a fait d'autres choses, mais il est très drôle, ça. C'est pas un gros sadomaso. Il avait peut-être des goûts particuliers, comme chacun de nous, mais il est très drôle parce qu'il dit de tout prendre avec du recul. Donc moi, je trouve que c'est un très grand philosophe et qu'il faut le lire un peu plus que juste en entendre parler et se dire, bon, voilà, c'est un gros pervers. Donc Sade, lui, pareil, il restera toujours dans ma bibliothèque parce que je pense que c'est des lectures aussi qui sont bien, enfin, qui sont fructueuses quand on est jeune, mais aussi peut-être à la trentaine, avec les crises de la libido, et puis à 50 ans, et à tout âge, je pense qu'il peut apporter quelque chose. Donc ça, c'est les... J'ai pas mal de classiques dans ma bibliothèque, mais bon, ils sont classiques pour une raison, hein, parce que... Et c'est vrai qu'avec ces livres-là, tu te dis, bon, bah, je peux passer toute ma vie à les relire quand même. Il y en a vraiment qui... Non, c'est vrai, donc tu te lasses pas, hein. C'est comme les Dostoïevski, c'est pareil. Aussi un truc que j'avais enfin, j'avais beaucoup d'exemples enfin d'ouvrages de philosophie et alors là je les ai plus trop parce que pareil bon, j'ai eu des périodes où je me disais bon tu les reliras jamais c'est trop compliqué etc donc j'ai gardé que mes préférés donc il y a un peu Nietzsche il y a Alain et c'est tout je crois mais ça j'aimerais bien en avoir plus et recommencer à lire parce que j'aime beaucoup et puis pareil ça c'est des livres que tu lis pas une fois donc voilà sinon aussi j'ai un peu de présence africaine quand même la première maison d'édition avec laquelle j'ai travaillé enfin pour qui j'ai fait un stage et auprès de laquelle je serai éternellement reconnaissante parce que c'est eux qui m'ont fait tout découvrir et donc j'ai Césaire. Où est-ce qu'il est? Mais pareil, voilà, j'ai même pas celui que je préfère de Césaire. Donc, parce que il s'appelle Cahier d'un retour au pays natal, qui est un classique et que j'ai dû passer à je sais pas qui. Mais donc voilà, en fait, peut-être qu'on peut voir ma bibliothèque par ses absents aussi. Voilà, ceux qui ne sont pas là, mais qui justement étaient trop bien pour que je les garde pour moi toute seule. C'est comme tu partages les brownies que tu fais, tu partages les trésors que tu as. Donc c'est pareil pour mes DVD, hein. Il y a des DVD que je n'ai pas, et c'est parce que je les ai prêtés. Et donc, disons que voilà, j'aspire à une bibliothèque minimaliste avec des choses bonnes, qualité sur quantité, mais en mouvement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des livres en attente, là, d'être retournés. Voilà. Mais je pense que c'est quand même assez éclectique au niveau des nationalités. Par contre, j'aimerais bien avoir un peu plus de femmes. Et ça, c'est vrai que je me penche pas trop sur la question. J'ai tendance à lire, bon, bah, sur les coups de cœur, sur je vais dans une librairie et je prends ce qui m'attire. Mais j'aimerais bien me lancer dans des défis un peu thématiques. Donc voilà, faire plus de femmes. Et c'est vrai qu'au final, je réalise que dans les femmes françaises, il y en a très peu, quoi. Enfin, il y en a même peut-être pas. Alors que chez les Anglais, il y en a plus et chez les Hispaniques aussi. Donc voilà des petits challenges. C'est ça aussi une bibliothèque minimaliste te rappelle tous les manques et les trous qu'il faut combler. Quatrième lecture. Idea Villarino, ultime anthologie. Et on va lire déjà pas, déjà plus, déjà pas. Nous ne vivrons pas ensemble. Je n'élèverai pas ton enfant. Ne coudrai pas tes vêtements. Ne te posséderai pas la nuit. Ne t'embrasserai pas en partant, tu ne sauras jamais qui j'étais, pourquoi d'autres m'aimeront. Je ne réussirais pas à savoir pourquoi, ni comment, jamais, ni si c'était pour de vrai, ce que tu disais qu'il y avait, ni qui tu étais, ni ce que j'étais pour toi, ni comment cela aurait été, de vivre ensemble, de nous aimer, de nous attendre, d'être. Désormais, je ne suis plus que moi, pour toujours, et toi, désormais, tu ne seras pour moi pas plus que toi. Déjà, tu n'es plus d'un jour à venir, je ne saurai pas où tu vis, avec qui, ni si tu te souviens. Tu ne m'embrasseras plus, comme cette nuit, jamais. Je ne reviendrai pas te toucher, je ne te verrai pas mourir. J'ai peu de poésie, c'est-à-dire individuelle, il y en a peu. J'adore la poésie, mais je ne m'achète pas des recueils comme ça d'un auteur en particulier, mais j'adore les anthologies. Donc comme j'ai parlé de celle de la poésie anglaise, j'ai aussi la poésie australienne. Ça, c'est un ami australien qui me l'a donné en cadeau quand il était venu me voir à Paris. Et ça, c'est super aussi parce que c'est un truc qu'on ne connaît pas du tout. Il y a pas mal de poésie aborigène aussi. Et donc, ça parle aussi bien... Bon, il y a beaucoup de poésie sur la nature, mais ça parle aussi bien du Dreamtime et de la mythologie aborigène. Donc, ça aussi, ça permet de voyager. Je pense que c'est pas mal. Mais voilà, en tout cas, c'est très littéraire. J'ai très peu d'essais. J'ai un essai, là, de zone, sur l'orgasme féminin. Voilà, un livre de base. Jouir, voilà. Un livre sur l'art, pour essayer d'apprendre à lire les images, parce que j'aime bien l'art et j'aimerais bien être plus... pouvoir mieux décrypter les images. Et... Arras. Non, même pas. Non, Arras, bah justement, je l'ai passé à un ami. Donc je garde pas mes livres vraiment parce que j'en avais acquis plein aussi au Louvre, ça, des livres sur l'art, sur les critiques d'art, Didier Huberman, etc. Et mais voilà, ça n'a pas, s'il n'est pas dans la bibliothèque, c'est que bon, ça valait peut-être pas trop le coup. Mais voilà, et puis aussi un livre de latin parce que j'adore le latin, donc pour connaître des déclinaisons latines. Et un livre pas mal qui est un peu plus léger pour découvrir les films, un livre où t'as des images. Je sais pas moi, des images, et dedans tu dois trouver des références à des films. Donc voilà. Et on peut voir aussi que mes livres tiennent grâce à leur format poche, mais parfois j'ai des petits bibelots qui viennent d'Afrique du Sud aussi. Donc à défaut d'avoir ramené beaucoup d'auteurs sud-africains, puisque je n'ai que Coty, je crois, j'ai ramené un hippopotame en pierre. Voilà. Mais c'est vrai que... Là, je me rappelle plus trop de ce qui me manque, mais je sais que... Ah, voilà, si, Italo Calvino, que j'adore, et j'avais adoré le Vicomte Pourfendu. Et il y a un extrait de ce livre que j'adore, que j'avais même appris par cœur, et je voulais le relire hier, et je l'ai plus. Donc je sais pas où est-ce que je l'ai mis, je sais pas dans quel état j'étais quand j'ai décidé de m'en débarrasser, peut-être. Mais je soupçonne aussi des vols de carton, peut-être. Il y a des... C'est ça le problème de tous ces déménagements que tu fais à la va-vite, c'est que tu sais plus trier. Donc voilà, c'est ça qui est dur. Soit accumuler les livres et avoir une bibliothèque riche dans laquelle tu peux te retrouver, ou soit lire légèrement, garder peu pour voyager plus vite. C'est le grand dilemme de ma vie. J'aimerais bien qu'on rentre dans l'un de tes livres sur lequel tu as pris des notes. All right. Et qu'on regarde un peu les notes qui sont dessus. Alors, il faut que j'en trouve un. Bah alors, parce que j'en ai de l'école, mais c'est moins intéressant, les notes d'école, je pense. On va faire Alain. Alain, parce que donc ça, c'est Propos sur le bonheur d'Alain. Et ça, j'avais pris plein de notes. C'était les années fac où j'avais du temps. Et donc, je mets plein de cœurs partout où je souligne. Donc... Qu'est-ce que tu veux, que je te lise un extrait ou que je te lise ce que je lis, ce que j'écris dedans? Ce que tu veux. Ah, alors. Parce que j'en ai un autre là qui me vient en tête. Mais alors, par exemple, bon, dans les propos sur le bonheur d'Alain, il parle, c'est des chapitres courts en fait, et il parle un peu de tout. Il parle de la mort, de la gymnastique, pourquoi on est triste quand on se fait choisir en dernier dans une équipe, l'art de bâiller, enfin ça parle un peu de tout. Donc c'est marrant, c'est aussi une écriture assez facile, assez accessible, mais bon, il y a des points un peu plus compliqués. Et c'est aussi un peu un journal de bord, parce que toutes les dates sont notées. Et donc, Non, ça, y a des commentaires un peu trop perso parfois. Mais en fait, moi, mes notes, c'est souvent je souligne les phrases qui me paraissent les plus importantes. Et ça, c'est marrant aussi de voir l'évolution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais entourer tout un paragraphe. Alors qu'avant, j'étais un peu plus flemmarde, je soulignais qu'une ou deux phrases et qui maintenant, quand je les relis, me paraissent un peu trop succinctes parce que tu comprends pas vraiment tout le propos. Et donc, je vois aussi que j'évolue, que je suis plus patiente, que je prends plus de temps qu'avant, où j'avais cette boulimie de lecture et que maintenant, je suis plus dans l'idée de toute manière, je n'arriverai jamais à lire tous les livres, donc prends ton temps. Et j'ai aussi un compte sur Babelio où mes fidèles m'attendent avec de gros, gros extraits. Mais là, par exemple, il y a un chapitre qui s'appelle Passion de voisinage, donc je ne vais pas tout lire, mais je mets des petites explications et elle est en anglais où je mets Love for granted, donc l'amour pour acquis, où j'explique en gros, apparemment à des bilingues qui liraient le livre, de quoi parle le chapitre. Après, ça m'arrive de mettre les noms de personnes de mon entourage qui me rappellent, qui font penser à des chapitres, donc ça c'est marrant. Et là par exemple, il y a un chapitre qui s'appelle L'ennui, où je souligne pas mal de phrases, et la dernière phrase de ce chapitre c'est Mieux on remplit sa vie, moins on craint de la perdre. Et il y a marqué que ça a été écrit le 29 janvier 1909, où c'est mon anniversaire, et j'ai juste mis LOL. Alors je sais pas ce que ça veut dire, ce que ça voulait dire, mais je pense que j'étais un peu déprimée et je m'ennuyais. Et comme il a écrit le 29 janvier, je me suis dit, bah, on est connecté avec Alain. Voilà. Mais alors ça, c'est mes notes de fac. Après, là, dernièrement, il y a un livre sur lequel j'ai pris plein de notes. C'est Les contes en argentin, enfin les contes en espagnol, mais d'Argentine, où, d'une manière assez studieuse, dès que je lisais un de ces contes, une de ces nouvelles qui est donc en espagnol. Bon, je traduisais tous les mots que je connaissais pas. Donc, tu vois, j'entoure le mot que je connais pas et je mets sa traduction sur le côté. Par exemple, potrillo, ça veut dire poulain. Et à chaque fois, bah, c'est une nouvelle de Cortázar d'ailleurs. J'écris à la fin mon avis sur la nouvelle. Alors, je sais pas si je l'écris en français, attends. Voilà, j'écris de quoi ça parle et j'écris très bien écrit, tendre, profond, écriture fluide, enfin à relire, enfin voilà des trucs comme ça. Donc c'est surtout pour moi, mais c'est pas mal de le faire. Je sens le besoin de le faire pour ce livre en particulier parce que comme c'est de l'espagnol, je sais que j'aurais pas toujours la facilité ou la patience que j'ai eue de le lire en langue originale. Mais par exemple là sur une autre nouvelle, je dis un récit rêveur, lunaire, bien écrit, on en veut plus. Donc voilà, je me prends pour une critique littéraire. J'imagine que si un jour je deviens connue, ça sera très, très important, ce genre de notes. Mais voilà, là, j'aime bien voir ça parce que ça montre aussi le travail et la motivation que j'avais à lire. Tu vois, j'ai mis plein de trucs. La vie est pleine d'occasions manquées. Carrie. Voilà, et puis en plus, je fais des connexions entre les auteurs. Donc, ça, c'est pas mal aussi parce que c'est ça qui est bien dans les notes, c'est que tu vois ton évolution aussi. C'est comme des journaux intimes en fait. Parce que les petites notes du lycée seront pas les mêmes que celles que tu prends à la fac ou quand tu commences à travailler. Donc ça, j'aime bien. Moi, j'aime bien prendre des notes. Ça, c'est vraiment. Je le fais pas surtout sur les beaux livres, je le fais pas. Sur la Pléiade, je ne le ferai pas. Mais là, des livres en plus avec lesquels tu voyages, c'est important. Et un truc que je fais tout le temps, par contre, c'est noter mon nom, voilà, l'année et où je le lis souvent quand je suis en voyage. Et où aussi qui me l'a offert. Donc comme ça, je me repère. Et ça, je pense que c'est important aussi de noter l'année où tu lis. Moi, je sais que j'adore retrouver des livres de mes parents ou de mon frère où il y a écrit l'année où ils les ont lus et voir que les livres voyagent. Donc voilà, c'est le genre de notes que je prends. Donc c'est pas très original, hein, c'est de la traduction ou c'est de l'explication de texte, mais il y a des choses assez personnelles. Et bon, aussi bien sûr, quand c'est une situation que tu as l'impression de vivre, tu mets avec la personne, enfin bon, tu parles, ça te fait penser à certaines personnes, donc tu parles de ça. Mais au final, ça pourrait être très intime. Et je pense que les miens le sont pas trop. Parce que c'est pas dans mes livres que je m'exprime le plus, tu vois. Alors où ? Dans mes films. Non, dans mon journal intime. Donc, non, justement, est-ce que c'est... les livres, c'est bon. C'est fait pour te faire ressentir des choses, mais là, t'es plus dans l'écoute de quelqu'un d'autre qui s'exprime. Donc, c'est bien de rajouter ton point de vue, mais ce que j'aime bien dans les livres aussi, et ce que je pense beaucoup de gens apprécient, c'est que c'est un peu une pause de ta propre vie. Alors, parfois, tu t'y retrouves encore plus, et... c'est le climax de tes émotions, mais ça peut être aussi juste changer les idées. Moi, c'est pour ça que j'aime bien lire des romans étrangers, parce que ça n'a rien à voir avec la France, ça n'a rien à voir avec les problèmes français. Quand tu lis des livres sur l'Argentine, ça parle de dictature, ça parle de famine. Quand tu vas en Afrique du Sud, ça parle de l'apartheid. Quand tu vas chez Wolf, bon, ça, c'est un peu plus similaire, c'est sur les dépressifs. Mais... T'as plein de trucs, en fait. C'est... Moi, je pense que c'est ça, en fait. C'est à défaut de pouvoir voyager, bah, je lis, quoi. Donc, mais bon, tu trouves un peu de tout, parce que il y a des livres qui te font du bien aussi, qui te réconfortent tout le temps. Ça, c'est vrai aussi. Il y a des livres que j'ouvre beaucoup plus souvent que d'autres. Donc, les romans Gary, par exemple, ça m'arrive très souvent de les ouvrir, parce que c'était ma période où je notais, je cornais les pages. Et donc je retrouve facilement des citations qui me réchauffent le cœur, qui me font du bien. Pareil pour Kundera. Et puis après, quand je me sens plus sérieux, j'ouvre un peu de philo, etc. Mais c'est... ouais, pour moi, c'est quand même pas mal de prendre des notes. Parce que c'est, tu te rappelles pourquoi tu les as aimés, ces livres aussi. Parce que ouais, c'est ça aussi le problème. Quand tu lis beaucoup, tu oublies sinon. Et ça, c'est un peu frustrant d'avoir lu et de plus souvenir. Cinquième lecture. Julio Cortázar, Histoire de Cronope et des Fameux, je ne sais plus la traduction en français, mais donc c'est un recueil de nouvelles sur des instructions pour réussir sa vie, pour savoir monter les escaliers, pour savoir pleurer. Enfin, c'est très marrant et c'est très philosophique en même temps. Instrucciones para dar cuerda al reloj. Allá en el fondo está la muerte, pero no tenga miedo. Sujete el reloj con una mano, tome con dos dedos la llave de la cuerda, remóntela suavemente. Ahora se abre otro plazo. Los árboles despliegan sus hojas, las barcas corren regatas, el tiempo como un abanico se va llenando de sí mismo y de él brotan el aire, las brisas de la tierra, la sombra de una mujer, el perfume del pan. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Atelo pronto a su muñeca, déjelo latir en libertad, imítele anhelante. El miedo herrumbra las encoras, cada cosa que pudo alcanzarse y fue olvidada va corroyendo las venas del gelor, gangrenando la fría sangre de sus pequeños rubíes. Y allá, en el fondo, está la muerte, si no corremos y llegamos antes y comprendemos que ya no importa. Instrucción pour remonter une montre. Là-bas au fond, il y a la mort, mais n'ayez pas peur. Tenez la montre d'une main, prenez le remontoir entre deux doigts, tournez-le doucement. Alors s'ouvre un nouveau sursis. Les arbres déplient leurs feuilles, les voiliers courent des régates. Le temps comme un éventail s'emplit de lui-même et il en jaillit l'air, les brises de la terre, l'ombre d'une femme, le parfum du pain. Que voulez-vous de plus ? Attachez-la vite à votre poignet, laissez-la battre en liberté, imitez-la avec ardeur. La peur rouille l'encre. Toute chose qui eût pu s'accomplir et fut oubliée ronge les veines de la montre, gangrène le sang glacé de ses rubis. Et là-bas, dans le fond, il y a la mort si nous ne courons pas et n'arrivons avant et ne comprenons pas que cela n'a plus d'importance. Mais après, il y a des livres qui sont trop beaux. Par exemple, Marel de Cortázar. Il est très très beau. Enfin, puis c'est une édition argentine que j'ai fait venir d'Argentine. Et donc, j'ose pas écrire dessus, donc je prends toutes les notes, mais sur mon ordi. Donc, c'est pas mal parce que ça me fait taper en espagnol, savoir mettre les accents où il faut. Donc, voilà. Donc, encore une fois, c'est des évolutions, ça, dans mes prises de notes, qui passent au digital maintenant. Alors, est-ce que tu veux dire un mot de la fin pour conclure Je veux dire que c'est intéressant. C'est pas pour te sucer ni rien, mais ce genre d'exercice est pas mal parce que. Ça permet aussi de te mettre face à ta bibliothèque parce qu'on a tendance, quand on est un gros lecteur, à la voir que comme un espace de rangement, mais à ne pas prendre vraiment le temps de la contempler. Moi, je ne suis pas quelqu'un de... c'est mon problème. Je suis pas quelqu'un qui se pose et qui contemple. Et au final, quand tu te mets face à ta bibliothèque, ça te rappelle aussi que t'as pas besoin d'acheter d'autres livres. T'as pas besoin d'aller dans toutes les librairies de Paris chercher d'autres livres parce que t'en as déjà plein à lire ou plein à relire. Et même plein juste à feuilleter, et puis ça te fait penser à des choses, parce que voilà, la lecture, c'est pas que l'étape de lecture, mais c'est l'étape de digestion après. Et donc, oui, que voilà, moi je te dis, je suis un peu, comment on dit, à moitié frustrée. J'aime bien le fait d'avoir une plus petite bibliothèque, et je suis pas du tout au final complexée parce que je sais ce que j'ai lu, etc. Mais c'est vrai que. Il y a une absence qui fait que bon, on peut moins parler des choses et ma mémoire, je peux pas compter que sur ma mémoire à moi. La bibliothèque peut être un outil de mémoire, de savoir ce qu'on a lu, etc. Et j'ai eu ce débat plein de fois avec plein de gros lecteurs qui, eux, aiment avoir une bibliothèque et je comprends pourquoi, parce qu'ils ont face à eux leur évolution de lecture que moi je n'ai pas, mais qui, au final, reflète bien ma façon d'être, parce que voilà, je suis assez minimaliste et j'aime pas avoir beaucoup de choses. Donc, au final, oui, non, moi, c'est une bibliothèque qui peut quand même être encore remplie. On voit qu'il y a de l'espace et ça fait plaisir. Je me dis qu'elle n'est pas pleine à craquer, qu'on peut encore m'acheter de bons livres et que je ne saurais pas à le dire. Voilà. Mais voilà, moi, j'aime bien cette idée de mouvement aussi, vraiment, de me dire, bon. Cette idée que voilà, les livres qui sont là, ils ont vraiment survécu et c'est des livres très importants et c'est comme de vieux amis ou avec qui tu vas toujours avoir une relation même si tu leur parles plus et que tu prends plus leurs nouvelles en ouvrant les pages, tu vois. Ils sont toujours là dans ton cœur et donc dans ma bibliothèque. Voilà, mais j'aime les livres. Ça, on peut le dire.